18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Bienvenue sur notre émission Convergence 89.5 et ce soir on a la chance d'avoir White Jack. Comment tu vas? Bonsoir, tout va bien. Ravi d'être avec vous. Bah de même, c'est un plaisir de t'avoir dans nos studios, nos humbles studios chez Pixid. Salut. On a la chance d'être entouré par la team de Convergence, donc en plus de Pixid, notre jeune Louis. Eh bien salut. Le petit Elliot, le... Bon, on a tout le monde, on a tout le monde, on va pas se mentir. Et ça squeeze PA, génial, ça commence bien. Celui ouais, quand même ça commence super bien. Et oui, bah, du coup, on a la chance de t'avoir pour un peu pouvoir avoir des informations sur ce que tu fais, sur qui t'es exactement, comment tu t'es lancé dans la musique électronique. Donc on va y aller un peu simplement. White Jack, qu'est-ce que ça signifie à peu près? Simplement. Question large. Vous avez 4 heures. Je vais vous la faire courte. Donc White Jack, bon, tout d'abord référence Jack au jacking, à la danse, associée à toute la culture house et tous les mouvements associés, hein, voguing, etc. Et White pour le côté, je suis fan de cette culture-là, de cette mouvance-là, mais pas black, white. D'accord. Ouais. Okay. Ça résume la chose. Et donc du coup, tu fais donc de la production et du mix. Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord. Avec une préférence. Avec une préférence, on va dire, pour la production. Je viens du live en fait. Hein. J'avais un groupe auparavant pendant une dizaine d'années. On faisait un groupe de quoi si... Et ben, c'était de la house. Ok, d'accord. Ouais. Un groupe de house. On était trois. On produisait et on jouait. On jouait en live, donc. Tout était fait tourné vers live. Même nos productions ne sortaient pas, n'étaient pas spécialement destinées à être publiées sur des labels. C'était vraiment un travail autour du live. Donc on passait beaucoup de temps en répétition, en préparation pour ces sets live. Et après, c'était de la scène. Okay. Et j'ai toujours fait un petit peu de mix en parallèle. Mais vu qu'on était trois pour nos prestations, on visait plus le côté groupe. Hein, avec création, ouais. Voilà. Moi j'étais plutôt côté sample, un était plutôt la rythmique, l'autre plutôt côté synthé. Et voilà, ça fonctionnait longtemps comme ça. De temps en temps, moi je faisais quelques sets de mix, mais la prédilection c'était le live, puis la production. Et maintenant, depuis quelques années que je suis seul, j'ai développé un peu le côté mix aussi. D'accord. Okay. Et ça fait combien de temps à peu près de l'année des débuts, en tout cas du live? Alors ça doit faire... plus de 15 ans que je fais de la musique à peu près. Ouais, donc, 15 ans. Ça fait bien 15 ans ouais, maintenant. Et comment t'as commencé? Moi, ça m'intéresse toujours comment les gens ils ont commencé un peu à se mettre un peu dans ce bain-là. Ouais, alors. Le début, c'était pas la house, hein, c'était le hardcore. Ouais, il faut bien commencer quelque part. Hein. Il a quand même bien changé hardcore, depuis. Speedcore, les deux pieds dans le plat. Et aussi beaucoup de drum and bass, jungle. Cool. On était vraiment, on se considérait comme des junglistes à l'époque, hein, c'était vraiment le mouvement à l'anglaise. UK. Voilà, on était fan de la scène UK. Mais qui bouge encore d'ailleurs. En ouais, moment. Qui bouge ouais. Encore, hein, mais c'était vraiment la génération Fabric, hein, le club ouais. Fabric London, c'était vraiment ouais. le rêve de voir nos DJ de jungle, drum and bass préférés là-bas. Ouais. C'était vraiment le déclic, et puis ouais, un petit peu les technivals aussi ouais. de notre côté. C'est une culture que tu as réussi à retrouver un peu sur Lyon. C'est peut-être aussi pour ça que tu es originaire de la région ouais. ou c'est pour ça aussi que tu es venu? Oui, ouais, tout à fait. Hein. Je suis originaire de Lyon, j'ai grandi ici. On avait sur Lyon des teufs hein, qui étaient organisés. Tout ce qui était en club était plutôt tourné sur de la house, mais pas vraiment la house qu'on aimait à l'époque, qui était plutôt... Tech House, Progressive House, ouais. ils ont une house qui nous parlait un petit peu moins, on percevait pas encore le côté soul à l'époque hein, qu'il y avait dans la house, ou peut-être qu'on avait... ouais. j'avais pas la maturité peut-être à l'époque pour le saisir, je sais pas, ouais. mais t'as dû voir quand même de belles époques aussi dans Lyon. Oui, voilà, mais plus, nous, on était vraiment plus tournés sur les artistes, on attendait les artistes jungle, drum and bass, choses comme ça. Je me souviens à l'époque, Flore, dont on entend beaucoup parler, maintenant qui sort de très beaux projets, commençait à mixer à l'époque, jungle, breakbeat, c'était vraiment notre DJ de référence sur Lyon qu'on suivait déjà. Je vois que tu parles d'un autre artiste. Est-ce que tu as un artiste qui, toi, peut-être que tu connais localement, que tu recommanderais peut-être aux gens qui nous écoutent ? C'est vrai que tu travailles avec pas mal de gens, donc... Alors, dans les artistes lyonnais, moi, vraiment mon gros coup de cœur amical et musical, c'est-à-dire la claque musicale, a été les Pilot Wings, hein, il y a quelques années maintenant. Ils ont apporté un univers, ils ont vraiment c'est plutôt contribuer quoi, comme à apporter quelque chose de nouveau. C'est plutôt quoi comme style? Parce que moi je connais pas du tout. Donc, alors, c'est vrai eux, si tu veux, les deux membres ont des influences très diverses, que ce soit côté trans, mais early trans, ou même des choses trans plus commerciales aussi, même un petit peu de gabber ou de art style, des choses comme ça. Mmh. Du gabber. Voilà, donc je mélange plein de choses. Il y a Titan. Très commercial, mais enfin commercial plus peut-être aux Pays-Bas, tu vois, des choses comme ça. Donc, ouais, et à la fois le côté un peu hippie, un peu new beat aussi, de l'électro, de la house bien sûr. Donc, quand je les ai rencontrés, on mixait plus de la house, mais même un peu, je sais pas, tout ce qui est psyché, tout ce qui est. Okay. Mais quand est-ce que tu t'es mis justement... gros mélange de tout ça qui était formidable. Je trouve qu'ils ont réussi à faire une synthèse très tôt dans leur carrière de tout ça. Donc avec le label BFDM qui les a lancés, enfin, qui a participé à leur succès aussi par la suite. C'est quelque chose de vraiment très très créatif qui réussit à emmagasiner beaucoup de choses et être créatif. Je sens que t'es un passionné. Non mais c'est super, tu vois. Et moi j'avais aussi une autre question, c'était... Mince, je l'ai perdu, du coup ça perd de sa fluidité. Et PA, lève la main, sauve-moi s'il te plaît. J'avais une question, ça, tu parles un peu de la scène lyonnaise et tout ça. Est-ce que tu as, je sais pas, des assos ou des labels ou d'autres DJ avec qui tu travailles de temps en temps ou des trucs comme ça? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ça du coup? Ouais, tout à fait. Donc, depuis que je suis en solo, j'ai beaucoup travaillé avec French House Records. Alors là, pour le côté vraiment house, hein, dont je vous parlais au départ, qui est quand même fort dans mes influences, hein, qui fait vraiment partie de mon patrimoine musical. Donc, qui beaucoup soutenu, aidé, encouragé, en sortant un EP chez eux, puis par la suite un Varios. J'ai pu participer à leur soirée, travailler un peu à leur côté. Mmh. Là, ça a vraiment été une très bonne expérience. Puis c'est un collectif qui dégage de bonnes ondes et qui très bonne valeur aussi. Voilà, c'est très bien. Ils les avaient reçus l'année dernière, il me semble, exactement, dans l'émission. Bah, il y a deux ans. Avec Florent. Des très bons gars qu'on salue d'ailleurs au passage. Ils font des très belles valeurs. Bonjour French House. Spécial. Merci Z. Donc French House, et puis après j'ai aussi travaillé avec Onyx Agency, donc là qui avait deux catalogues, deux rosters, hein, un plus house et un plus techno. Ouais. Qui fait de la tournée de concert notamment. Voilà, concert, aussi. Événement. Ouais. Et qui je veux aussi un peu agent quoi. Ouais. Qui, on avait joué avec vous d'ailleurs pour la fête de la musique. Eh oui, tout à fait. J'étais pas là pour cet événement, mais c'est vrai qu'il y avait une belle collaboration. Ouais. C'était au Boulevard Electro, ouais. Je cherchais le nom de l'événement là. C'est ça. À l'époque où il n'y avait pas de Covid. Ouais. On sent bien la mort de Kevin Alexandre. On s'est déprimé en fait. À l'époque, on pouvait faire des soirées. Heureusement qu'il n'y a pas la vidéo. Ah, on va lui injecter un petit peu de house dans le sang, il y aura mieux. Voilà. Il va retrouver le sourire. C'est ça. Bah écoute. Puis, voilà, sur ça. Après, j'ai aussi, via Onyx, j'ai rencontré un autre artiste qui s'appelle Egea, donc autre artiste lyonnais. Hey, j'adore Egea. Belle amitié, et qui lui aussi produit très bien, et a une culture musicale, et une ouverture musicale qui est très intéressante. Ouais. Donc, on a pu organiser quelques soirées ensemble, on a monté notre association qui s'appelle Hunter the Gang, qui est plus orienté sur de l'électro. La house aussi, on a fait jouer plus plutôt des artistes parisiens. Et du coup, c'est quoi le but de cette association de, oula, c'est quoi le but de cette association? Alors, le but de cette association, c'était vraiment de, bah, de promouvoir des artistes émergents comme fait venir Marius, qui représente bien la scène parisienne, électro, un peu. Donc pas juste producteur et DJ quoi, il y a aussi un réalisateur de ça. Voilà, du coup il y a aussi un côté facette, ouais. Voilà. Facette, ouais, bah il faut, je pense que c'est un peu le cas. Ah bah là faut se renouveler, hein. C'est du merde mon gars. C'est clair, c'est clair. Après c'est compliqué, je pense, de rester sur un pôle quoi. Plusieurs fois je me suis dit bon, même avec mes amis avec qui on avait notre groupe, hein, on a monté une association à l'époque, on a organisé plusieurs événements, on dit est-ce que c'est une bonne chose de faire ça, est-ce qu'il faudrait peut-être pas se consacrer seulement à la production, seulement au côté DJ. C'est des décisions. Ouais. Et c'est toujours mieux de toucher un peu à tout, justement, parce qu'on se développe et on touche vraiment tout le monde, quoi. Surtout quand t'es passionné. Ouais, c'est surtout ça. C'est tout compliqué de pas toucher, de pas vouloir toucher à tout quand t'es passionné, en général. Et du coup, pourquoi cette envie, pourquoi être passé du groupe à du coup une carrière solo? Alors, c'est une décision des autres membres du groupe. D'accord. Qui souhaitaient passer à autre chose. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué étant donné que c'est pas toujours quelque chose qui est lucratif. C'est ça. Aussi lucratif. Tout à fait. Hein, c'était cette question. Enfin, pas que ça, bien sûr. Pas que ça, bien mais. Ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Puis parfois, tu te dis, bon, là, ça. Y a peut-être moyen vraiment de professionnaliser la chose. Et puis tu te rends compte que non. Donc, des déceptions, des désillusions parfois. Faut pas que ça devienne trop. Faut pas que ça te bouffe. Faut que ça reste un plaisir. Ouais, voilà. Et ça n'a pas du tout suffi à te faire arrêter, par contre. Moi, je non. Pour répondre à des questions, non. Tu veux pas arrêter une passion comme ça. Il y en a qui. Non, mais je pense que ça fait. Maintenant, tu vois, je relativise et puis ça fait partie vraiment de l'expérience, de ce que j'ai à apprendre, des parcours. On arrive à la fin, par contre, je crois, là, il me semble qu'il ne reste plus que quelques minutes pour terminer cette interview. Juste rapidement avant de terminer, est-ce qu'il y a des endroits, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou des plateformes où les gens peuvent venir écouter, hormis le set qui va suivre, bien sûr. Et les futurs projets aussi. Voilà, terminons avec tout ça, comme ça, en mode, on termine sur des notes positives. Alors, dans les notes positives, eh bien, tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de Radioactive, qui est un jeune label qui organise des événements en ce moment, bien sûr. Oui, tu as sorti ta dernière track. Voilà, donc là, j'ai un EP qui va sortir mardi prochain. Okay. Une track est sortie en première sur la chaîne de Haussum, là, cette semaine. Ouais. Okay. Qui est génial d'ailleurs. Merci, j'ai adoré. Super. Je suis bien content de ce lien dans la publication sur les réseaux. Je suis bien content de cette sortie. Donc c'est... Là, on est plus sur le côté house, un peu house lofi, et un peu breakbeat aussi. Un peu deep aussi. Et un peu deep, ouais, tout à fait. Et puis après, je travaille avec EGA pour un autre projet, toujours chez Radioactive. Donc là, qui sera un versus house electro. Et voilà pour les prochains. Projet proche après le reste. Ça reste à définir. Voilà. et donc, du coup, Radioactive qui est lyonnais. Oui, ils sont basés sur Lyon. Okay. Ouais, tout à fait. Sur... Ouais. Ils ont fait une très bonne série de podcasts pendant le confinement. Et j'ai vu Larry Hull de DK. Oui, tout à fait. Ouais, là, les derniers podcasts sont vraiment très bons. Très bonne sélection. Ok, génial. Et on peut te retrouver du coup sur Facebook. Sur Facebook, alors je suis moyennement actif sur les réseaux sociaux, surtout en cette période, mais sur Facebook, un petit peu sur Instagram. Je sens que le gars il a pas envie de aller, mais il va quand même. Non, je sais pas. Par Instagram. Et sur SoundCloud. Ouais. Pour la partie musique en tout cas. Voilà. Là, c'est chaud. On s'est déjà été un peu plus fournis. Visiblement, ça s'entend. Bah écoute, super, je pense qu'on est tous ravis de te voir accueilli. Et qu'il reste encore après des petites questions en fin d'émission. Les chinois, et puis un set aussi. Et en fait, non, ça on a oublié. Allez, c'est 45 minutes de bande son sans rien. Et vous allez entendre de Pierrot chanter a cappella durant les 45 premières minutes. Ça va être très long. Bon, bah super. Bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Quelques minutes. Et puis, exactement. Voilà. Prenez du kiff. Enjoy. Thank you. There's no secrets to behold. You got my body and my soul. It's you that I need. When you're near, I feel the fire. You're the center of my desire. It's you that I want. So much magic in your touch, I just can't get enough. It's you that I need.

Et on se retrouve pour ce portrait chinois présenté par Elliot et PA. On vous écoute les gars. Est-ce que tu peux nous dire une ville où tu voudrais jouer? Berlin. La panique. La panique. Ça va être un petit peu moins subtil, hein, mais si tu étais un menu McDo, tu serais lequel? McFirst. McFirst. Je n'ai jamais mangé. Puissant et délicat. Ça va être moins délicat, du coup, si tu étais une catégorie pornographique. Ce qui me vient par l'esprit ou ce que je... C'est toi qui choisis. C'est toi le maître, c'est toi qui... Food job. Food job. Je connais pas. Si tu étais une note de musique. La Diaz. Tu préfères IAM ou NTM? NTM. Bah ouais, logique. C'était précis. Il y a même pas d'hésitation là. Ouais, il y a pas d'hésitation. Si tu devais choisir, tu serais Tarantino ou Scorsese? C'est compliqué quand même. Scorsese. Ouais, j'aurais. Est-ce que tu peux nous dire ta recette d'une bonne soirée? La recette d'une bonne soirée. Apéro pas trop long et passer du temps sur le dance floor. Et de la bonne musique. Bien sûr. Oui. Il est même pas parce que pour lui c'est évident. C'est évident. Forcément. Est-ce que c'était mieux avant? Bah c'est difficile de dire non, mais c'est quand même non. Avant quand? Avant 2020 ou avant tout court, ouais. Non, mais je répondrai non, bien sûr. C'est mieux maintenant. C'est quoi ton quartier préféré de Lyon? Mon quartier préféré de Lyon, ce sera la Croix-Rousse quand même. Ah, j'aurais été. Tout le monde répond à la Croix-Rousse. Si je te dis les Bretons, ça va être un peu mal vu. En pérafant, t'as dit ça, les gars. T'es plus télégitant. Aucun problème avec les gens qui habitent le Breton. Attention. T'es plus série ou film? J'ai plus film. C'est tout bon? C'est tout bon. Ah, ok, d'accord. Ça a été. C'est la tension, t'sais, les gars, c'est en mode ok, vas-y, encore, je vais travailler, vas-y, balance. Eh bah, c'était super. Merci de tes réponses. On écoute encore le set et on se dit à la semaine prochaine pour les autres. Et bonne continuation pour toi. Et ben merci pour votre accueil, j'étais ravi d'être avec vous. C'était un plaisir. Super plaisir partagé. Exactement. Je vous souhaite aussi un très bon week-end, amusez-vous bien, profitez bien de vos proches. Et rentrez à 21h, sinon c'est 135 balles. Ça ferait cher la bouteille. Et à la semaine prochaine. À la semaine pro, ciao ciao. Ciao. Ciao. 18h-19h, Convergence. Culture et musique électro-underground.